عشرات الساعة لسين دولار. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بحول الله عز وجل، on continue avec les signes de la fin des temps, أشرات الساعة. Et on avait parlé de ce signe ici la semaine dernière qui concerne العلم, قلة العلم, le manque de science ou le fait que la science va se faire de plus en plus rare. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas ôter la science des poitrines des serviteurs, walakin ici la science va diminuer par la cause qui est la mort des gens de science, al-ulama, ahlul khayr, ahlul dhikr. Et aujourd'hui, bi-idhnillahi azza wa jal, on va parler de ce signe qui fait aussi partie des signes de la fin des temps, bien sûr des petits signes de la fin des temps, qui a déjà eu lieu, comme on va le voir, comme l'avait mentionné l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala et d'autres. Et ici, comme on peut dire aussi au jour d'aujourd'hui, ici bien évidemment, il a lieu au jour d'aujourd'hui encore. Et ce signe n'est autre que ce qui concerne ou ce qui tourne autour de al-dhulm, l'injustice, l'oppression, de façon générale. Voilà qu'une oppression, ayu al-ahibba, et l'injustice, c'est un terme général, d'accord, si on veut, et on va voir qu'il y a plusieurs types d'injustice, plusieurs types d'oppression. Et un type d'oppression fait partie, ici, on va citer plus particulièrement un type d'oppression qui fait partie des signes de la fin des temps. Et ce type d'oppression qui fait partie de l'oppression, qui fait partie de l'injustice, n'est autre que, avec une traduction approximative, la multitude des miliciens et des partisans des oppresseurs. Il y aura de plus en plus de miliciens et de partisans d'oppresseurs, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a mentionné dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique. Il y aura dans cette communauté à la fin des temps des hommes. Et ici, il y a deux versions qui sont apportées dans le même hadith. Où le prophète alayhi salatu wassalam a dit ou aurait dit, il y aura dans cette communauté à la fin, il y aura dans cette communauté à la fin des temps des hommes. Ou alors il aurait dit, des hommes apparaîtront de cette communauté à la fin des temps. Des hommes apparaîtront de cette communauté à la fin des temps, ayant avec eux des fouets, ressemblant aux queues des vaches. Ils sortent en début de journée sous la colère d'Allah Azza wa Jal, et sortent en fin de journée sous le courroux d'Allah Azza wa Jal. Selon une autre version, rapportée par l'imam At-Tabarani dans Al-Kabir, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans ce hadith rapporté par At-Tabarani et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', il y aura à la fin des temps, sayakunu fi akhir az-zaman, shurtatun, c'est-à-dire des milices, d'accord, ou si on veut, avec ce qui est connu au jour d'aujourd'hui, des policiers, d'accord, des gens qui représentent l'autorité dans le pays, dans les villages, etc. Sayakunu fi akhir az-zaman شرطة يغدون في غضب الله عز وجل ويروحون في سخط الله عز وجل. Il y aura ici à la fin des temps des autorités ou des miliciens ou des policiers qui sortent en début de journée sous le courroux d'Allah عز وجل. Pourquoi? Parce qu'ils oppriment les gens. D'accord? Ils tombent dans ce qu'on appelle الظلم والعياذ بالله, de jour comme de nuit. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, ils sortent en début de journée sous le courroux d'Allah عز وجل et sortent en fin de journée sous la colère d'Allah عز وجل. Fais donc attention à ne pas être de leur entourage. Fais donc attention de ne pas être parmi ces gens-là, ou de leur entourage, c'est-à-dire de cautionner leur mal, ou de les aider dans leur mal, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entraidez-vous aux œuvres de bien et de piété, ne vous entraidez pas aux œuvres de mal et à la transgression. Cette catégorie de gens, donc on parle des autorités, de certaines autorités ou groupes d'autorités, de milices, etc., ici qui oppriment les musulmans et les font souffrir, ils les oppriment et les font souffrir sans aucun droit, d'une manière qui ne convient pas, religieusement parler, d'une façon que ni Allah Azza wa Jalla l'accepte, ni le prophète alayhi salatu wa salam l'accepte. Cette façon de faire n'est pas du tout conforme à ce que Allah attend d'eux et ce que le prophète alayhi salatu wasalam attend d'eux. C'est-à-dire qu'ils placent des choses d'une manière qui ne convient pas. Ils font des choses d'une manière inappropriée. Ils ont un comportement, d'accord, qui ne fait pas du tout partie du comportement du musulman pieux vertueux qui craint Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que nous disons de façon claire, ils ont fait ce qu'on appelle, et ils ne cessent de faire ce qu'on appelle al-dhulm, de l'injustice. Continuez avec moi et on va bien détailler ce sujet inshallah ta'ala. Rapporté par l'imam muslim, selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda, il rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, et ça c'est un hadith très connu, et je prends une partie de ce hadith, c'est un hadith très connu, sinfan min ahli an-nar lam arahuma kama qala alayhi salatu wasalam. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit à son époque, il y a 14 siècles, ou plus de 14 siècles, il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vus. Et ça, c'est la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam est une vérité. Et c'est la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam, huwa alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. C'est la preuve qu'il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. 14 siècles, il l'a dit, alors que ces gens, le prophète ne les avait pas encore vus. Et ils existent, d'accord, et on les voit 14 siècles après, à notre époque, au jour d'aujourd'hui, en 2011. Et comme ils étaient présents en 2010, en 2009, en 2008, et continue si tu veux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vus. Des gens qui ont avec eux des fouets. Et là, c'est ce sujet qui nous importe. C'est pour ça qu'on ne prendra pas la deuxième partie du hadith maintenant. Voilà qu'il nous la prendra ici, dans des signes qui font partie des signes de la fin des temps, plus loin dans les cours, incha'Allah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues des vaches avec lesquelles ils frappent les gens, ou dis si tu veux, ils oppressent les gens, ils font de l'injustice envers les gens. L'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit, ce hadith fait partie des miracles de la prophétie, car ce dont le prophète alayhi salatu wassalam a informé s'est déjà produit. Ça c'était à l'époque de l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Que dire de nous à notre époque? Quant aux gens au fouet, l'imam an-Nawawi, il dit dans son charh de Sahih Muslim ici, il dit, quant aux gens au fouet, ce sont les jeunes hommes aux ordres du chef de la milice. D'accord? Ceux qui, ici, exécutent les ordres donnés par les chefs, les responsables de l'autorité ou des milices. Donc c'est des gens qui font partie, comme on pourrait dire au jour d'aujourd'hui, ou à les appeler au jour d'aujourd'hui, soit des milices, soit des policiers, soit, et attention, le prophète n'a pas dit tous les policiers, toutes les milices, toutes les autorités. Non, mais il y aura des gens, d'accord, qui font partie de certaines milices, de certaines policiers, de certaines autorités, d'accord, qui se comporteront comme cela, en oppressant les gens. Wal'iyadu billah. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa an abi, il dit et il rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, il y aura à votre tête des commandeurs qui seront pires que les Majus, que les Mazdéens. Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, il y aura à vos têtes, yakunu alaykum umara hum sharrun min al-majus, responsables, des gens qui détiendront l'autorité, qui seront pires que les mazdéens, wal'iyadu billah. Et donc ici tous ces hadiths se rejoignent. De façon résumée, nous disons que ce qui fait partie des signes de la fin des temps est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Et surtout, ici, ces années, comme vous le savez, ce qu'on voit à travers les médias. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit des gens de cette communauté, qui détiendront l'autorité, et qui frapperont les gens sans aucun droit, d'accord? Sans aucun droit. Ils adapteront un comportement qui n'est pas légiféré en islam. Ils vont oppresser les gens, wal'iyadu billah, en utilisant leur statut, c'est-à-dire parce qu'ils sont représentants de l'ordre, ou alors ils sont policiers, ou alors ils exécutent les ordres, voilà qu'il y a des gens qui sont à leur tête et qui, eux, sont pires que quoi des masdéens comme le prophète Mohammed, alayhi afdalu salati wa askat taslim, l'a dit. Et ça, ayu al-ahibba, c'est un type d'oppression. C'est un type d'oppression. D'accord? Le fait que ces gens-là, qui font partie de certaines autorités, oppriment les gens et sortent dans la rue et les frappent avec des fouets, d'accord? Est-ce que ceci existe à notre époque? Ça existe à notre époque. Et des gens qui se prétendent de la communauté du prophète, alayhi salatu wasalam, le font. Ça existe à notre époque. Et ceci, à l'unanimité, je ne dirais pas des savants, des musulmans, mais à l'unanimité des gens. N'importe quel être humain sur la surface de la terre, ici, reconnaîtra cette injustice qui est présente. Ça, c'est un type de dhulm. Maintenant, pour bien comprendre le sujet de dhulm, l'injustice de façon générale, on va prendre une définition, de façon générale. Dhulm, ayu al-ahibba, ou bien une définition générale de dhulm, pour bien comprendre le sujet. Et ça, c'est une mise en garde. Ici, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, une mise en garde sur le fait de participer avec ces gens-là, ou de les aider. Et de façon générale, on a dit qu'on n'a pas le droit d'aider les gens de mal. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. De façon générale, on n'a pas le droit d'aider quelqu'un qui fait un mal. D'accord? Cautionner son mal, l'aider à faire ce mal, etc. On ne peut pas en islam, c'est interdit. إِذَا رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Quelqu'un voit un munkar répréhensible, un acte répréhensible, il arrête. Comme on l'a répété plus de 100 fois, avec la main, s'il peut pas avec la langue, s'il peut pas avec le cœur, et ça c'est le degré le plus bas de al-iman rapporté par muslim. On voit un munkar, on n'a pas le droit de le cautionner. Voilà qu'une intention. Ça ne veut pas dire que parce que toi, tu n'aides pas des autorités à opprimer les gens, ou toi tu ne fais pas partie des autorités qui oppriment les gens, khlas, toi tu n'as rien à voir avec ce sujet qui est l'oppression. Abadan. L'oppression, ayu al-ahibba, a une définition générale. Et les savants ont apporté plusieurs définitions concernant al-dhulm. Parmi les définitions, qui est une définition générale et que j'ai retenue ici. Qil, il est dit, sur al-dhulm, c'est quoi? Wad'u shay, d'accord? C'est le fait de placer une chose. Ah, on a déjà parlé de ces termes-là que je vais employer. Mais écoutez bien et suivez bien. C'est wad'u shay, d'accord? Ici, fi ghayri mawdi'i. Pourtant, on a parlé de l'hikmah, la sagesse. Et vous voyez, dans la science islamique, quand on traite plusieurs sujets, on voit que chaque sujet a un lien avec l'autre. Chaque sujet rejoint un autre sujet. Parce que tous ces sujets font partie de quoi? Al-Islam, l'Islam. Et il n'y a pas de contradiction dans l'Islam. Comme Allah Azza wa Jal rappelle qu'il n'y a pas de contradiction dans Al-Qur'an Al-Karim. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Continue à ne pas méditer le Coran, s'il venait d'autre qu'Allah Azza wa Jal, ils auraient certes trouvé maintes contradictions, ou plusieurs contradictions dans le Coran al-Karim. Mais il n'y a pas de contradiction, ni dans l'islam, de façon générale, ni dans le Coran, ni dans la sunna. Claire. On a parlé de l'hikmah, et on avait dit que certains gens de science avaient apporté une définition qui était, définition simple et très générale aussi, qui était, wad'u shay, d'accord, fi mawdi'i. C'est clair? C'est de placer chaque chose, d'accord, dans la place qui lui convient. Mettre la chose au bon endroit si on veut. On est d'accord. C'est pour ça qu'on dit, si tu agis avec une personne, d'accord, en utilisant al-hikmah, la personne ici sera heureuse, sera satisfaite. Tu lui feras que du bien. Tu ne peux lui faire que du bien. Si tu agis envers une personne, d'accord, avec al-dhulm, suivez bien, avec injustice, avec oppression, la personne ne sera pas heureuse. Tu lui feras du mal. Donc on voit que quelque part, al-dhulm, c'est l'opposé de al-hikma, la sagesse. Agir avec injustice, c'est l'opposé du fait d'agir avec sagesse. Donc on a compris c'était quoi al-hikma, on en a parlé dans plusieurs cours. Et parmi les définitions, c'est de placer chaque chose à sa place. De parler avec ton frère comme il faut, au moment où il faut, de la manière qu'il faut. L'injustice, c'est l'opposé. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. D'accord? C'est de placer une chose dans un endroit ou d'une façon qui ne convient pas. Par exemple, toi, tu vas parler avec ton frère d'une façon qui ne convient pas. À un moment qui ne convient pas et d'une manière qui ne convient pas. C'est une forme d'injustice. Car c'est awwalan l'opposé de l'hikmah, C'est awalan l'opposé de al-hikma. Et le fait de parler avec ton frère d'une manière qui ne convient pas, tu vas lui porter préjudice. Tu vas lui faire mal. C'est vrai ou pas? Et en faisant mal à ton frère, tu l'as quelque part opprimé. C'est le fait de te comporter d'une manière que lui n'accepterait pas et qui ne convient pas en islam. Surtout ça. Qui ne convient pas en islam. En te comportant d'une mauvaise manière, tu risquerais d'opprimer ton frère. On est d'accord, tu vas lui faire mal. Et quand tu fais mal à ton frère musulman ou à ta sœur musulmane, quelque part tu l'as opprimé. Et c'est le fait de réagir d'une façon, yani à un moment où il ne fallait pas. C'était pas le moment, même si c'est une vérité. Et donc en réagissant de cette manière, du moment où il ne fallait pas, tu vas lui faire mal. Et peut-être même tu vas causer plus de dégâts qu'autre chose. Donc tu lui auras fait mal, donc tu l'auras quelque part opprimé. Donc on voit pourquoi ici, al-ulama, quand ils parlent de l'hikma, ils disent, al-hikma, parmi les définitions, c'est wad'u shay fi mawdi'i, placer chaque chose à sa place. Et al-dhulm, ils disent wad'u shay fi ghayri mawdi'i, c'est de placer une chose dans une place qui ne lui convient pas. Ah, tu as mis une chose dans la place qui ne lui convient pas. Tu as placé des choses dans un mauvais contexte, dans un mauvais endroit. Donc vous voyez ici pourquoi les deux définitions générales. Et ici on comprend avec science, yarhamukallah, que al-dhulm c'est l'opposé de al-hikma. Et al-hikma c'est l'opposé de al-dhulm. Il faut bien comprendre ça déjà pour pouvoir avancer comme il se doit. Et on a cité ici un des signes de la fin des temps. Et ce signe-là, yuhal ahibba, concerne al-dhulm de façon générale, mais un type de dhulm qui est ses oppresseurs parmi les autorités. Mais nous, avant de critiquer les rois, al-mulouk, et avant de critiquer ceux qui détiennent le pouvoir et le commandement, d'accord? Et je parle ici des hukam, des gouverneurs et autres, on doit se préoccuper avant tout de ce roi, de ce gouverneur, de ce commandant qui vit avec toi de jour comme de nuit et qui n'est autre que quoi? Al-qalb, le cœur. Qui est ton cœur? Car si ce roi est corrompu, le reste des membres sera corrompu. Et Allah dit dans le Coran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection. حَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا كَمَا قَالَ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ وَأَرْضَى. Demandez-vous des comptes à vous-même avant qu'Allah Azza wa Jalla ne vous demande des comptes. Donc ici, il faut garder les pieds sur terre. Et la science n'est pas un jeu. Avant de parler de jour comme de nuit, en critiquant les gens qui font partie des hukams, des gouverneurs, des rois et des ceci, des cela, même si parmi eux, il y a des oppresseurs, il y a des injustes, etc., il ne faut pas oublier qu'on doit se préoccuper avant tout de notre propre roi qui est le cœur. Car le cœur, c'est le roi. Et les membres, ce sont les soldats. Et si le membre donne des ordres convenables aux soldats, ici, ils exécuteront des choses qui sont conformes au Coran et à la sunna bi fahmi salafil umma. Donc à toi ici de contrôler ton cœur au mieux, de faire que ton cœur suive ce qui est demandé en islam, de te demander des comptes de jour comme de nuit, de faire des efforts pour que ce cœur soit purifié, pour que au jour de la résurrection tu rencontres Allah Azza wa Jal en voyant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala satisfait de toi et pas en colère. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien et ni enfant, na'am, al-mal wal-banun, ici ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien, si ce n'est celui qui vient envers Allah Azza wa Jal, son Seigneur, avec un cœur saint. Donc ici, préoccupe-toi de ton roi avant tout, avant de te préoccuper de je ne sais combien de rois, et garde les pieds sur terre. Car il y a des gens, ils passent leur jour, de jour comme de nuit, à critiquer al-hukam, ou bien al-mulouk, ou bien les rois, etc., qu'ils soient musulmans ou non musulmans, c'est-à-dire de pays musulmans ou de pays non musulmans. Et ici, quand tu vois son comportement, il n'arrive même pas à s'éduquer pour accepter un con. Et de jour comme de nuit, il parle des rois. Subhanallah, t'arrives pas à gérer ton propre roi, d'accord, qui est un morceau de chair. Si il est corrompu, le reste du corps est corrompu, comme a qala alayhi salatu wassalam. Et s'il est bon, il est pur, tout le reste du corps, il est pur et il est bon. Ala wa hiya al-qalb, comme a ja'a fi sahih. N'est-ce pas le cœur, comme est relaté dans le hadith authentique, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Donc nous disons, ça c'est un type d'oppression. Mais toute l'oppression, al-dhulm, c'est une chose interdite en islam. Wa lidhalika qala alayhi salatu wassalam, inna al-dhulm, l'oppression, d'accord, se transformera, avec une traduction approximative, ou sera ténèbres au jour de la résurrection. Il n'a pas dit un type d'oppression. Faut bien comprendre l'oppression. Faut bien comprendre l'injustice. L'injustice, c'est général. Ça, c'est un type d'injustice. Mais ça, ça nous rappelle que tout type d'injustice, on doit s'en écarter. Et les preuves de cela, on va le voir bi-idhnillahi azza wa jalla. L'injustice, ayyuhal ahibba, yanqasim il aqsam ici. Il y a plusieurs types d'injustice. Parmi les grands types d'injustice, il y a, ou les grands titres, si on veut, concernant l'injustice, il y a l'injustice envers Allah. L'injustice envers Allah. Tu peux être injuste envers Allah Azza wa Jal. Et c'est quoi l'injustice envers Allah Azza wa Jal? Allah dit dans le Coran al-Karim, hikayatan an Luqman al-Hakim, wa idh qala Luqman li binihi wa huwa ya'idhuh, ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la, la zulmun azim. Luqman, il dit, et on l'a vu ça dans les détails, et lorsque Luqman exhorte son fils, dit à son fils, wa idh qala Luqman li binihi wa huwa ya'idhuh, tout en l'exhortant, ya bunay, oh mon fils, la tushrik billah, ne donne aucun associé à Allah. Inna shirka la zulmun azim. L'association est une injustice énorme. C'est pour ça que les gens de science disent la plus grande des injustices. A'zamu zulm, c'est quoi? Ash-shirku billahi azza wa jalla. C'est l'association. D'accord? C'est le fait d'associer quoi que ce soit ou qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a az-zulm envers Allah. Donc ne te dis pas, moi je fais aucune oppression. Non, en ta relation. Al-alaqa que t'as toi envers Allah Azza wa Jal, elle est comment? Pose-toi la question. Et sache que le fait d'associer quoi que ce soit ou qui que ce soit avec Azza wa Jal, avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ceci fait partie de la plus grande des injustices. C'est une injustice. Il y a un deuxième type d'injustice qui est l'injustice envers soi-même. L'injustice envers soi-même. L'injustice envers soi-même, c'est le fait aussi d'associer quoi que ce soit ou qui que ce soit envers Allah Azza wa Jal. D'accord. Le premier type d'association, d'accord, ou plutôt d'oppression, entre, d'accord, dans la définition, ou dans le deuxième type d'oppression, ou d'injustice. Si toi tu associes quoi que ce soit ou qui que ce soit envers Allah Azza wa Jal, ça fait partie des péchés. On est d'accord. C'est bien plus que cela, le plus grand des péchés. Et tout péché que tu commets, comme disent les gens de science, qu'il soit grand, d'accord, al-kaba'ir, ou bien qu'il soit petit, as-sagha'ir, ou les petits péchés, tous les péchés que tu commets, c'est une injustice que tu fais envers toi-même. C'est une injustice toi-même. Tu es injuste envers toi. Car ce corps est une amana, est un dépôt. On est d'accord. Et tu es né, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sur la fitra, c'est-à-dire sur l'islam. Tu es né sans avoir aucun péché. Ah, quand on est, on a aucun péché. Comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit dans le sahih. Al-hajj al-mabrour, d'accord? Ou bien le prophète alayhi sallam dit, celui qui fait le pèlerinage, sans commettre, avec l'explication des gens de science, sans commettre grand péché, d'accord? Sans turpitude et sans avoir de rapport, etc. Un pèlerinage conforme à ce que Allah azza wa jalla et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam attendent de toi, un pèlerinage pieusement accompli comme il se doit, il revient chez lui, comme le jour kayaum, comme le jour où waladathu ummu, comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire sans péché. Donc ici Allah Azza wa Jalla il t'a donné la vie, il t'a permis de vivre, et quand tu es né tu avais zéro péché, tu étais né sur l'islam, ala al-fitra, sur l'islam. Et c'est un dépôt, ce corps c'est un dépôt. Comme a dit Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, toute la religion est un dépôt. Al-fara'id, les actes obligatoires sont un dépôt, comme l'a dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Donc ici, quand tu désobéis à Allah azza wa jal, tu fais un petit ou un grand péché, tu as commis une injustice envers toi-même, envers ce corps qu'Allah t'a donné ici, alors que tu n'avais aucun péché. Allah azza wa jal t'a donné la possibilité de voir, de boire, de manger, de l'adorer. Il t'a guidé. Et toi, tu le désobéis, alors qu'Allah a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Tout péché que tu commets, comme disent les gens de science, sache que tu as commis une injustice envers toi-même. Donc ne dis pas, moi je suis pas injuste, alors que tu commets des péchés jour et nuit. Quelque part, on est tous un peu injustes. Si ce n'est pas envers Allah, on l'est envers nous-mêmes. Et si ce n'est pas envers nous-mêmes, on l'est quelquefois envers les gens. Ah, troisième type d'injustice. L'injustice envers les gens. Et ça ne veut pas dire que parce que tu commets des petits péchés, donc tu es injuste, donc Allah Azza wa Jal, ici, il fera que ce sera des ténèbres au jour de la résurrection, cette injustice envers toi. Non. Man taba taba Allahu alayhi. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait dans une version rapportée par le Bukhari et Muslim ici, dans une des versions, il demandait pardon auprès d'Allah Azza wa Jal par jour plus de 100 fois. Dans une version 100 fois, une version 70 fois. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait beaucoup l'istighfar. Ça ne veut pas dire que parce que tu as commis une injustice envers toi-même, khalas, ça sera ténèbre au jour de la résurrection. Non, parce que tu dois être parmi les gens qui quoi ? وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ إِرَى. Ah, regardez l'importance de dhikr, du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et l'istighfar, ça fait partie de dhikr. Et c'est parmi les meilleurs des dhikr, l'istighfar. Ici, toi tu es parmi les musulmans, les croyants qui font beaucoup l'istighfar. Pourquoi après la prière on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ? Pourquoi on dit trois fois à la prière? Même après un acte d'adoration, Allah Azza wa Jalla te rappelle, demande pardon. Pourtant, t'as fait un acte d'adoration. Demande pardon pour les manquements que tu as eu dans la prière, les oublis que tu as eu, les manques de concentration. Al-istighfar est demandé à tout moment. Que dire du fait de faire l'istighfar? Après un péché. Alors que le prophète Aïssa nous enseigne de faire l'istighfar après avoir fait un des meilleurs actes d'adoration. L'acte d'adoration, c'est ça, là. Avec ça, tu fais l'istighfar après la prière. Que dire après? Après un péché. Nous, on se parle beaucoup l'istighfar. Voilà l'importance de l'istighfar. Si tu es parmi les gens qui demandent pardon souvent à Allah Azza wa Jal, qui font suivre la mauvaise action d'une bonne action. Ya Mu'adh, ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Comme قال عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح. Prophète Ali sallam il a dit à Mu'adh, oh Mu'adh, crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action de la bonne, car la bonne elle va l'effacer. Donc alhamdoulillah. Nous, on fait de l'injustice envers nous-mêmes, mais on a l'istighfar, on a les bonnes actions, on a le repentir. C'est pour ça, on ne doit pas minimiser le repentir à l'istighfar, pour que, alhamdoulillah, ça ne se transforme pas quelque part en ténèbres au jour de la résurrection. Et on ne rend pas des comptes sur tous ces péchés. C'est pour ça que c'est un bien, même l'épreuve. L'épreuve, c'est un bien. Parce que, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal t'éprouve, ya Abdallah, si tu fais partie des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ici, Allah Azza wa Jal, par la cause de ces épreuves, il t'efface des péchés. Il t'efface des péchés. وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى إِذَا أَحَبَّ الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم كما جاء في الصحيح. Allah عز وجل quand il aime un peuple il l'éprouve, et à travers les épreuves tes péchés partent, et Allah il veut que tu le rencontres sans aucun péché. C'est ce qu'il veut Allah عز وجل. Et c'est pour ça que même quand tu vois une personne qui souffre au moment de sa mort, ça ne veut pas dire parce que oh c'est khlas, c'est une preuve d'une mauvaise fin. Non, au contraire ça peut être une preuve d'une bonne fin, c'est qu'Allah عز وجل l'éprouve encore au maximum pour que quand son âme elle sort, il n'ait plus de péché, ou si ce n'est très peu de péché, et plus il sera éprouvé, et moins il aura de péché, bi'idhnillah azza wa jal. Donc ici, nous disons qu'il y a différents types de dhulm. On a dit l'injustice envers Allah, ça faut le retenir, ash-shirku billahi azza wa jal. L'injustice envers soi-même, faire les péchés et désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ne pas craindre Allah azza wa jal. Et il y a l'injustice envers les gens. Envers ton frère, envers ton père, envers ta mère, envers les musulmans, envers les non-musulmans, envers les créatures. Continue, envers les animaux, envers les vaches, envers les moutons, envers les chiens, envers les chats. Na'am, c'est une injustice aussi. Vous connaissez tous les deux hadiths, où, dans une version à l'époque de Ben Israël, une femme prostituée, Allah Azza wa Jalla a pardonné tous ses péchés. Pourquoi? Parce qu'elle a donné à boire à un chien. Allah Azza wa Jalla a rappelé qu'il est plus miséricordieux, que cette femme qui est prostituée, qui par clémence, par pitié, elle a donné de l'eau à un chien assoiffé. Regardez, et une autre femme qui est rentrée en enfer par la cause de quoi? Un chat, une chatte qu'elle a enfermée, elle a privé de l'eau. Regardez l'injustice envers un animal à fond ou envers des animaux, ça a causé la perte de la personne. Que dire de vol envers le créateur des créatures, ou un vol envers toi, ya Abdallah, qui Allah Azza wa Jalla t'a permis d'avoir la santé, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût pour l'adorer à Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire de l'injustice envers les gens, l'être humain? Et Allah dit dans le Coran al-Karim, et il ne parle pas que des musulmans, quand il dit, il parle des êtres humains, il dit, voilà, qad karramna bani Adam, et on a certes honoré l'enfant d'Adam, que ce soit n'importe quel être humain sur la surface de la terre. C'est pour ça qu'Al-Mu'in lui disent que l'injustice est interdite même envers le non-musulman. Que dire envers celui qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et maintenant il faut bien comprendre c'est quoi le fait d'être injuste envers son frère, envers sa sœur, envers... Il faut comprendre ça. Ici, le fait, par exemple, que tu fasses mal à ton frère. D'accord? Que tu fasses mal à ton frère. alors que tu n'avais pas à lui faire mal, ou tu as utilisé une manière non conforme, tu as causé préjudice à ton frère, ou bien à un animal, ou bien à un non-musulman, d'une manière non légiférée, non conforme, d'une manière qui ici, Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wa salam, ne l'agrée point. À ce moment-là, tu as fait une injustice. Comme par exemple aussi, le fait de prendre injustement de l'argent de ton frère, de voler ton frère, de médire ton frère, de calomnier ton frère, de toucher à l'honneur de ton frère, d'accord ? De prendre un droit qui ne t'appartient pas, d'accord ? De t'accaparer d'une chose qui ne t'appartient pas. Tout ceci fait partie de l'injustice envers ton frère, envers ta sœur, envers les animaux, ou bien envers l'être humain de façon générale. Car le fait de voler à un non-musulman, c'est interdit. Le fait de faire mal à un non-musulman d'une manière qui n'est pas légiférée et sans raison valable en islam, ça c'est interdit. Le fait de faire mal à un animal, c'est interdit. Le fait d'opprimer un animal, c'est interdit. Le fait de priver un animal de boire, c'est interdit. Le fait d'enlever un droit qui appartient à un chien, c'est interdit. Par exemple, est-ce que le chien a droit de se nourrir? Est-ce que le chien a droit de boire? Il a droit. Et si toi tu vas, tu le prives de boire, ah, tu le prives d'une chose, alors que ça fait partie de son droit. On parle d'un chien, que dire d'un être humain? D'un chien, c'est son haq, c'est son droit. Tu lui prives de ce droit. Écoute bien, tu lui prives de ce droit. Donc à ce moment-là, tu lui as porté préjudice. Tu lui as opprimé ce chien-là. Inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Tu en rendras des comptes, ya Abdallah. Tu en rendras des comptes sur cette oppression que tu as fait envers ce chien. Tu lui as enlevé un droit. Que dire du fait d'enlever un droit à ton frère ou à ta sœur? Ta sœur a un haq. Tu lui dis non, moi je veux pas que tu aies ce droit. Ton frère il a un droit. Tu lui dis je veux pas que tu aies ce droit. Ou tu lui enlèves ce droit-là. À ce moment-là, ya Abdallah, sache que tu l'as opprimé. Même si c'est dans la religion, on va dire. Une personne, par exemple, il détient le pouvoir. Et il va dire à des gens, dans la religion, moi je n'accepte pas que tu fasses la prière. C'est son droit de faire la prière? C'est son droit. Est-ce que c'est une chose conforme au Coran, à la sunna, le fait de faire la prière? C'est une chose légiférée. Il n'y a pas de doute. C'est son haq, il dit tu ne fais pas. Il l'a opprimé. Toi tu vas voir un frère et tu lui dis, ou par exemple, on va voir la femme qui dit à son mari, il y a des cas qui existent. Il y a des cas. La femme qui dit à son mari, toi, tu ne vas pas à la mosquée. Pourtant, le mari, c'est son droit d'aller à la mosquée. C'est son droit car c'est un devoir. C'est son droit. Tu ne vas pas à la mosquée parce que je veux que tu restes plus avec moi et tu vas trop souvent à la mosquée. Est-ce que nous pouvons dire maintenant avec une bonne compréhension de Avulm, ici, cette sœur-là, elle a opprimé ou elle a causé ici un préjudice à ce frère-là. Oui ou non? Naam. Pourquoi j'insiste sur ces points-là? Parce que quelquefois, pour exhorter les gens, il faut de la science. Et la science n'est pas connaître une chose de façon générale, mais c'est dans les détails. Quand tu as compris que ça fait partie de dhulm, et que tu veux exhorter cette sœur, si tu es amené à exhorter ici deux personnes qui ont un problème de couple, tu peux utiliser ces choses-là qui concernent à dhulm, ou ce sujet-là qui concerne à dhulm. Et ça, il y a plusieurs mises en garde sur le fait de tomber sur à dhulm, et ça amène ici à beaucoup de choses mauvaises dans la vie d'ici-bas. Et dans l'au-delà pour celui qui commet ses oppressions envers les gens, ça c'est des arguments que tu pourras apporter pour faire méditer cette sœur-là. C'est pas comme si tu ne savais pas et t'avais pas médité sur ce sujet dans les détails avant. Tu vas lui dire quoi? Il a le droit d'aller à la mosquée. Allah, non, t'auras pas beaucoup d'arguments. Mais maintenant t'as compris, tu dis écoute, tu sais que ça c'est une injustice. Pourquoi? Parce que ça c'est un droit. Et le fait d'enlever un droit à son frère ou à sa sœur, ici, ça c'est parmi les définitions de dhulm. Et toi tu es tombé dans l'injustice. Et tu sais ce qu'a dit le prophète sur l'injustice? Inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Et tu sais qu'Allah Azza wa Jalla dans le hadith Qudusi, il a dit, oh mes serviteurs, je vous ai interdit l'injustice et je me suis interdit à moi-même l'injustice. Alors qu'Allah n'a rien à prouver à personne. Allah lui-même, il s'est interdit l'injustice. Tu sais ce que c'est que le fait de porter préjudice à ton frère? En l'opprimant, regarde ce que le prophète a dit. Regarde ce que Allah Azza wa Jalla a dit. Et là, quand tu apportes toutes ces preuves, khalas, tu as des... font que peut-être la personne va revenir par la permission d'Allah Azza wa Jalla à la raison. Mais quand tu n'as pas d'argument et tu n'as pas compris les sujets dans les détails, tu n'auras que très peu de science et tu ne pourras convaincre que très peu de personnes, même si tu vas en convaincre quelques-unes par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Donc nous disons, enlever un droit à son frère ou enlever un droit à sa sœur, que ça soit au niveau religieux ou même en dehors de la religion, ici bien que toute chose fait partie quelque part de la religion, Ici, nous disons, ou de près comme de loin, ici, nous disons que c'est une injustice. D'accord? Quelqu'un travaille pour toi. C'est son haq d'avoir une paye. Walakin, toi, tu dis, ah non, khala, je devais te les donner le 30, maintenant je vais te donner que la moitié, je vais te donner le reste après. C'est une injustice. Et ça, c'est des pures injustices que je suis en train de vous citer. C'est-à-dire, quand tu prends un droit qu'a ton frère, tu le prends, c'est un vol, ou tu prives ton frère d'un droit qu'il a, ou tu prives ta sœur d'un droit qu'elle a, tu as commis une injustice claire, wal'iyadu billah. Et ceux qui commettent ces injustices-là, et ceux qui sont opprimés, al-zalim wal-mazlum, nous leur disons, écoutez ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih, ou Silsilatu Sahiha, Cheikh Al-Albani l'a authentifié le hadith. Regardez le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? C'est un hadith connu. Allah azza wa jal tranchera les affaires ayant opposé ses créatures. Quand? Au jour de la résurrection. C'est ce qu'on appelle Al-Qisas. Au jour de la résurrection, vous connaissez Al-Qisas. Il y aura Al-Qisas, hatta bayna al-hayawanat. Même entre les bestiaux, entre les animaux. Il y aura Al-Qisas. D'accord? Le talion. Chacun va demander son haq, son droit, auprès d'Allah azza wa jal. Même les animaux entre eux, ils rendront des comptes entre eux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les djinns, les humains et même les bêtes. Même les djinns, ils vont rendre des comptes. Tel djinn qui a fait un mal à tel djinn qui a fait un mal à tel être humain qui a fait un mal à tel djinn, tel être humain qui a fait un mal à tel être humain, et même les bêtes. Même les bêtes. Et regardez, le prophète, il insiste sur les bêtes pour nous dire, si les bêtes rendront des comptes, que dire de l'insan, que dire de l'être humain? Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, au point qu'il permettra, c'est-à-dire Allah azza wa jal, à la bête privée de cornes, de se faire justice contre la bête cornue, c'est-à-dire la bête qui n'avait pas de cornes, d'accord, qui a commis un mal à l'autre bête qui avait des cornes, donc celle qui avait des cornes envers celle qui n'avait pas de cornes, ces deux bêtes, alors c'est des animaux, c'est des bestiaux, et ben Allah azza wa jal fera qu'ils rendront des comptes au jour de la résurrection. Écoutez bien ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam, ici, jusqu'à ce qu'ils feront, Allah fera justice entre elles, quand aucun différent ne restera plus en suspens entre les bêtes. Khalas, toutes les bêtes, ils auront rendu leur compte. Toutes les bêtes, les animaux, les chiens, les vaches, les toutes les bêtes. Regardez l'adl, regardez l'équité, la justice d'Allah Azza wa Jal. Ici, Allah dira, soyez kounou turab, soyez terre, soyez poussière. Khalas, toutes les bêtes, il n'y aura pas de bêtes au paradis. Je ne sais pas, si tu vois une poule ici, tu te dis, est-ce qu'elle ira au paradis un jour ou un autre? La réponse, elle est, elle sera terre. Elle deviendra terre, poussière. Comme ici le prophète A.S. l'a enseigné et comme Allah Azza wa Jal nous le rappelle, comme on va le voir dans le verset coranique. Et ici, le mécréant, l'infidèle, les injustes qui sont tombés dans la grande injustice, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront quoi? Ya laytani kuntu turaba. Comme Allah dit dans le Coran Al-Karim. Malheur à moi, si seulement j'étais poussière. À quel moment ils diront ça? Le jour de la résurrection, quand il y aura Al-Qisas. Et quand toutes les bêtes vont devenir poussière, quand il va voir ça, il voudra celui qui s'enflait d'orgueil, celui qui marchait en gonflant la poitrine, en prétendant être le plus riche, le plus beau, le plus fort, à maintenir toutes les richesses, à opprimer les gens. Ici, il donnait aucune importance à l'être humain. Que dire de l'importance qu'il donnait aux animaux quand il était vivant? Eh bien, au jour de la résurrection, il voudra être comme des animaux, c'est-à-dire comme les chiens, comme les rats, comme les hamsters, comme les animaux et les bestiaux. Alors qu'il s'enflait d'orgueil, oui ou non? Cela, ça sera les riches, ça sera les milliardaires qui étaient parmi les oppresseurs, je dis, parmi les infidèles. Ceux qui s'enflaient d'orgueil, ceux qui opprimaient les gens, quand ils vont voir le chien devenir poussière, vont dire, « Yeah, laïté, kuntu turaba, si seulement, malheureusement, si seulement j'étais comme lui, comme ce chien, comme cette vache, comme cette âne qui devient poussière. » Subhanallah. Allah Azza wa Jal, il rabaisse qui il veut et il élève qui il veut. « Man tawada'a lillah, rafa'ah, kama ja'a fi sahih muslim. » Celui qui ici se rabaisse par modestie, par humilité envers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Allah l'élève. Et celui qui s'élève par orgueil, Wallahi al-Adim, Allah va non seulement le rabaisser, mais l'humilier. « Fi dunya wa fi l'akhir. » Ici-bas et aussi dans le-delà. « Ya laytani kuntu turaba. » Malheur à moi si seulement j'étais poussière. Ici, non seulement il souhaitera devenir poussière, mais regardez qu'est-ce qu'il va devenir de toutes ces bonnes actions qu'il a fait. Parce qu'il aura fait du bien. Walakin, ici la preuve que l'oppression, c'est une des causes que toutes tes actions deviennent poussière. Comme il y a des comportements qui font que tes actions deviennent poussière. Même si tu as fait des milliards de bonnes actions, ça ne suffit pas de faire la prière, avoir une barbe, avoir un khamis, avoir un djilbab, bien que cela soit demandé, de même faire la prière de la nuit, qiyamul layl, de même montrer que tu aimes Allah et son messager de façon zahiran apparente. Walakin l'islam c'est un tout ayyuhal ahibba. On doit craindre Allah Azza wa Jal, écoutez bien, fi kulli makan, dans n'importe quel endroit, wa fi kulli zaman, et dans n'importe quelle époque. Comme a dit alayhi salatu wa salam li Mu'ad, ya Mu'ad, ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ô Mu'ad, crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne, celle-ci, la bonne, va effacer, va faire dissiper la mauvaise action et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement, avec une bonne moralité. Où que tu sois, écoute bien, de façon apparente comme cachée. Amma si tu me dis, Wallahi je crains Allah Azza wa Jal de façon apparente, quand je suis dans n'importe quel endroit, à n'importe quelle époque, mais il te manque cette chose-là, de façon cachée, tu ne le crains pas Allah, ça ne sert à rien. Si tu me dis, Wallahi je crains Allah Azza wa Jal de façon apparente et cachée, dans n'importe quel endroit, mais pas à n'importe quel moment, Wallahi que ça ne sert à rien. C'est un tout, c'est un tout. Wa dalilu ala dhalik, la preuve de cela. Et ça, il faut bien le comprendre. Rapporté par Ibn Majah, un hadith que je cite souvent, wa ghayru. Et à authentifier ce hadith, Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans Sahih Al-Jami'. Ici, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, la'a'lamanna aqwaman min ummati. Ah, je connais des gens qui font partie de ma communauté. La preuve, c'est un tout, on a bien dit. De façon apparente, comme cachée, dans n'importe quel endroit, et à n'importe quel moment, d'accord, et à n'importe quelle époque, à n'importe quel moment. D'accord, c'est pas simplement en 2010 je crains Allah, en 2012 je crains plus Allah Azza wa Jal. En oubliant que le prophète alayhi salatu wa salam il a dit dans un hadith, fa wa rabbi al-ka'ba yakhla'u al-qalb innama al-a'malu bil khawatim. Allahumma arzuqna husna al-khatima. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit les actions ne valent que par leur fin. Les actions ne valent que par leur fin. La preuve que quoi? C'est à n'importe quelle époque. C'est pas j'arrête, oui je reprends. Non, n'importe quelle époque. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, ay al-maut, c'est-à-dire la mort. C'est-à-dire c'est tout le temps, constant, régulier. On a tous des faiblesses. Walakin ça doit être assez régulier. C'est pas une fois tu as l'iman à bloc et une fois tu as l'iman à moins zéro. Non, des baisses de iman ça va, mais jusqu'où? Il y a des limites. Où que tu sois, à n'importe quel moment, de façon apparente et cachée. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bihasanatin amthal jibal tihamat al-bayda. Le prophète alayhi salam a dit ils vont venir au jour de la résurrection avec des montagnes de hasanat, des gens de ma communauté, des montagnes de hasanat. Ici comme, et il donne un exemple d'une montagne blanche, Tihama, des montagnes de hasanat comme la montagne blanche de Tihama. فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. Allah Azza wa Jalla va faire de toutes ces actions, ces millions d'actions, millions de hasanat. Regardez, tu vas venir avec tout ça, Allah va faire qu'ils vont devenir poussière, tout partir comme ça. Est-ce qu'Allah il est injuste? Quelqu'un va dire mais c'est injuste. Allah Azza wa Jalla rappelle dans le hadith Qudusi, j'ai interdit l'injustice. حرم الله تبارك وتعالى الظلم حتى على نفسه. Jalla Jalalo. Même sur lui-même, il a interdit l'injustice. Alors qu'Allah, il n'a rien à prouver. Il dit, il nous a interdit l'injustice et je l'ai interdit à moi-même l'injustice. Fala tazalamu. Akhlas. Il ne faut pas qu'il y ait de l'injustice entre vous. C'est Allah qui le dit, ayyuhal ahibba. Le prophète alayhi salam me rappelle que tout va partir en poussière. Pourquoi? Ici, il y a un compagnon qui a dit, sifhum lana ya Rasulallah. Décris-les-nous pour pas qu'on soit comme eux. Ils avaient peur. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Ama innahum, concernant ces personnes-là, ils sont vos frères de race. Ah, ikhwanukum. D'accord, ce sont vos frères. Wa min jildatikum, ici, de race. Ce sont vos frères de race. Wa ya'khudhuna min al-layl kama ta'khudhuna. Bah, sahaba, c'était pas n'importe qui. Et non seulement ce sont vos frères de race, mais ils font la prière de la nuit, qiyamul layl. Subhanallah. Donc des millions de hasanat. Pour ça, je dis, c'est pas la barbe et le qamis, c'est tout. Alors le prophète il dit non seulement il faut qiyamul layl, la prière de quoi? Des gens vertueux, des pieux, la prière des pieux. Le prophète alayhi salatu wa salam, et là bah à titre d'exemple, comme ja'a fi sahih, il dit le meilleur, d'accord, des mois après le mois du Ramadan, c'est le mois où le jeûne est le meilleur, où le jeûne est le meilleur, c'est le mois d'Allah, shahrullah, c'est-à-dire le mois où on est quel mois là maintenant? Muharram. Pour ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il rappelle que le meilleur mois pour jeûner, c'est le mois de Muharram, maintenant. Kama kana yaf'alu dhalika, alayhi salatu wassalam, faisait cela. Donc, augmenter les jours de jeûne pendant le mois de Muharram, ceux qui ont les capacités. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Et la, dans le même hadith, il dit la meilleure des prières, afdalus salah, après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit. C'est la prière de la nuit. À la meilleure des prières. Avec cela, ya'khudhuna min al-layl kama ta'khudhun, walakinnahum idha khalaw bi maharim Allah intahakuha. Walakin, quand ils se retrouvent seuls, seuls en face des interdits d'Allah Azza wa Jal, ils glissent, ils tombent dedans. Ils les commettent. La preuve que quoi? On doit craindre Allah Azza wa Jal. Ouvertement, zahiran wa batinan. Ouvertement et dans l'intérieur. Dans son fort intérieur. À n'importe quel moment. Ad-dalilu ala dhalik, innama al-a'malu bi bil khawatim. Suis bien avec moi, les actions ne valent que par leur fin. N'importe quel moment, tu sais pas quand tu vas mourir. Donc n'importe quel moment. N'importe quel endroit. Ad-dalilu ala dhalik, ya mu'ad, ittaqillaha haythuma kunt. Allah Azza wa Jalla, le prophète Azza wa Jalla, il a dit, oh mu'ad, crains Allah où que tu sois. قال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort va vous surprendre. يعني même si vous êtes, avec une traduction approximative, dans des tours imprenables. Donc où que tu sois, dans n'importe quel moment, à n'importe quelle époque, de façon apparente et de façon cachée, tu dois craindre Allah Azza wa Jalla, ya Abdallah. Et ça ne suffit pas de le faire apparent mais pas caché, caché mais pas apparent, à une certaine époque pas à une autre époque, à un endroit pas à un autre endroit. L'islam c'est complet. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari selon Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, quiconque lèse un frère, quiconque porte préjudice à un frère, il fait du mal à un frère, à titre d'exemple, au sujet de quelque bien qu'il s'en acquitte aujourd'hui. Tu as fait du mal à ton frère, le prophète alayhi salam, comme a dit Afsa al-Bukhari, dit qu'il s'en acquitte aujourd'hui. Tu as fait du mal à ton frère, tu lui as fait de la médisance, tu l'as yani des choses mauvaises, c'est-à-dire adh-dhulm, c'est-à-dire tu as fait وَضْعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Vous avez compris كَمَا قَالَ الْعُلَمَا تَعْرِفُ الظُّلْمِ. D'accord, de façon générale, وَضْعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Si tu as mis une chose dans une place qui ne lui convient pas, tu as parlé d'une mauvaise façon. On est d'accord, vous comprenez mieux maintenant. Tu as parlé d'une façon où ce n'était pas la façon appropriée. Tu as parlé, mais sur lui. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ وليسمت كما جاء في صحيح البخاري. Celui qui croit en Allah aujourd'hui, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Tu as pris des versets coraniques mais tu les as mis dans une place qu'il ne fallait pas. Un hadith, tu l'as utilisé comme tu le voulais. Tu as joué avec des paroles venant d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam, alors que le prophète dit من قال علي من لم أقول فليتبوأ مقعده من النار كما جاء في البخاري. C'est pour ça que ici ce n'est pas un jeu. Le fait de porter préjudice à ton frère. Ici quand tu parles, tu fais attention. Tu as fait du mal à ton frère, le prophète il dit va t'en acquitter. Va t'en acquitter maintenant, pendant que tu es vivant, pendant qu'il est vivant, pendant qu'il est là. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, écoute ce qu'il dit. Avant qu'il ne vienne un temps, au jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, où l'on prendra de ses bonnes actions. Il va prendre de ses quoi? Hasanat. De ses bonnes actions, autant qu'il devait à son prochain jusqu'au dernier dirham et dinar. Et s'il n'a plus de bonnes actions, Allah Azza wa Jal va faire que cette personne qui a été opprimée, tu lui as fait du mal, Allah va prendre de ses mauvaises actions et il va te les donner. T'es venu avec des montagnes de hasanat, tu repars avec des montagnes de sayyat. Avec des montagnes de mauvaises actions. Donc la preuve, ça suffit pas de faire des bonnes actions tout simplement en faisant donner des aumônes. Ou alors en faisant la prière. Ou alors, ça c'est demandé, mais c'est un tout. Tu crains Allah et tu fais du bien de façon apparente et cachée, dans n'importe quel endroit, à n'importe quelle époque. C'est ça ce qui est demandé pour ne pas être parmi ces personnes-là, wal'iyadhu billah, qui ont fait du mal et qui ont porté préjudice à leurs frères et qui ont fait de l'injustice envers leurs frères, leurs sœurs, envers les animaux, envers les musulmans et envers les non-musulmans. Et ici, si la personne nous dit, voilà qui est avec cela, ici c'est quelque chose de très grave. Mais comment ça se fait que nous voyons des gens qui oppriment de jour comme de nuit, mais qui sont toujours là et on les voit toujours. Ici, il faut savoir qu'il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose, faut pas rêver. Il va faire son injustice combien de fois? Combien de temps encore? Encore 10 ans, il lui reste. Allez, si je suis gentil encore, allez. Même s'il a 30 ans, je suis gentil, je lui donne 80 ans encore. Il va mourir à 120 ans et après, il va mourir. Donc ça a une fin. Et cette dunya, elle est très très très courte. Et Shaitan a fait que quoi? Il nous a tellement embellis. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَلَهُمْ. Tellement ils nous ont embellis nos actions. Et embellis cette vie d'ici-bas. Que wallahi, on a oublié cette vérité. Cette vérité qui est reconnue à l'unanimité des êtres humains sur la surface de la terre. Qui est quoi? Al-Maut, la mort. on l'a oublié. Pourtant, c'est une vérité. Qui peut certifier à 100% qu'on va vivre jusqu'à demain? Que toi, demain, on va pas se réveiller et les gens vont pas aller et te mettre sur une table et te laver et mettre ton linceul et demain t'es dans un linceul. Ça, tout s'est arrêté. Khlas, le livre, il est fermé. L'encre, il est séché. La plume, elle est levée. Et maintenant, à toi, attends à rendre tes comptes auprès d'Allah Azza wa Jal. On sait pas. Mais pourtant, on rit toute la journée, on s'amuse, on est dans le rafla et on est dans l'insouciance et on... Subhanallah. N'oublie pas que celui qui fait de l'oppression, il va mourir et rendra des comptes. Et regarde ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim et d'autres, selon Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Allah Azza wa Jal allonge la corde avec une traduction très approximative, c'est-à-dire qu'il le laisse, il lui donne un répit. Regardez, il allonge la corde ici à l'injuste. Quelqu'un qui fait zulm, Allah il va le laisser. Tu veux faire zulm, et Allah il continue. Tu veux faire zulm, yahi, continue. Allah Azza wa Jal il va laisser la personne. Donc nous on dit pas aux gens qui font zulm continuer, mais pour vous dire, nous on dit de façon générale, il continue. Continuez à faire zulm, mais sachez qu'Allah, il n'est pas insouciant à ce que font les, comme il dit dans le Coran al-Karim, les injustes. Allah, il le dit. Allah, il n'est pas insouciant à ce que font les injustes. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Et ça, ce n'est pas que des paroles qu'on dit. D'accord? Nous raddiduha bil lisan faqat. On les répète avec la langue. Voilà qu'on doit vivre avec ça. Avec quoi? Khashyatullahi azza wa jal. La peur d'Allah azza wa jal. De jour comme de nuit. Toujours savoir que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'entend, il sait ce qu'il y a, même dans ton cœur. Avant que toi tu ne penses à faire quelque chose, Allah savait ce que tu allais penser. Avant que toi tu te dises est-ce que je suis sincère ou pas, Allah il sait si tu es sincère ou pas. Allah il sait tout, il voit tout, il entend tout. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit, Allah il allonge la corde à l'injuste, il le laisse. Tu fais l'injuste, continue. Donc sois pas étonné si tu vois des injustes faire de l'injustice. Et il dit, mais quand il le frappe de son châtiment, il ne le rate pas. Et c'est pour ça que quand on voit l'injustice, en général, ou les injustes, leur injustice elle reste longtemps. C'est vrai ou pas en général? Elle reste longtemps. C'est-à-dire longtemps avec d'un point de vue humain. C'est-à-dire pour nous, 10 ans, c'est long. Pour Allah Azza wa Jal, c'est pas du tout long. Et c'est rien du tout. Et par rapport à la vie, comment elle est, c'est rien. Walakin, on va dire. Des années quelquefois. Walakin, quand Allah il le frappe, est-ce qu'il le rate? Est-ce qu'il l'humilie ou pas? Est-ce que c'est une humiliation? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal il l'humilie devant des milliers de personnes, s'il a humilié des milliers de personnes ou pas? Naam. Allah Azza wa Jal, il est équitable. Jaza'an wifaqa. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ceux qui auront la récompense au jour de la résurrection, soit au paradis, soit en enfer. C'est-à-dire une rétribution. Jaza'an wifaqa. Comme Allah Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire une récompense équitable. Tu as travaillé beaucoup, tu auras une grande récompense. Tu as désobéi beaucoup, tu auras un grand châtiment. Tu as désobéi peu, tu auras un petit châtiment. Bien que le plus petit châtiment en enfer, c'est ce qu'a eu Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, éternellement, il marchera sur des braises de feu jusqu'à ce que son cerveau ou sa cervelle ne cesse de bouillir. Et Allah, il nous rappelle jaza'an wifaqa. Tu as opprimé des milliers de personnes, wa rabbil ka'ba, qu'Allah, il t'humiliera et il te scandalisera devant des milliers de personnes. Tu as fait beaucoup d'oppression, wallahi, tu seras scandalisé et Allah, azza wa jal, te fera payer ici-bas et dans le delà. بإذن رب الأرض والسماوات الله عز وجل c'est lui le juste, c'est lui l'équitable أيها الأحبة. Et ici le prophète عليه الصلاة والسلام a récité, tel est le châtiment de ton Seigneur quand il punit les cités alors qu'elles sont injustes, son châtiment est bien douloureux et bien dur. Et c'est pour ça que nous disons اتقوا الظلم, craignez Allah عز وجل et craignez l'injustice. Dans un hadith rapporté par le Bukhari au Muslim, comme Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu warda, le prophète عليه الصلاة والسلام l'a envoyé vers des gens qui faisaient partie de Ahlul Kitab. Il a dit, tu vas rencontrer des gens de Ahlul Kitab. La première des choses que tu vas leur enseigner, c'est quoi? At-Tawhid, la ilaha illallah. S'ils acceptent At-Tawhid, enseigne-leur la prière. Ensuite, s'ils veulent, enseigne-leur le monde et rappelle-leur qu'on doit prélever une somme d'argent sur les riches pour les donner aux pauvres. Et ensuite, il lui dit quoi? Ya Mu'adh, ittaqi da'wat al-mazloum. Regardez la chose qui lui donne la recommandation al-wasiyya. Ittaqi da'wat al-mazloum. Fa'innahu laysa baynaha wa bayna Allah jalla wa ala hijab. Il dit, car il n'y a pas entre elle et Allah azza wa jal de voile. Regardez la recommandation qu'il donne à cette montagne de qui? De science, Mu'adh ibn Jabal, et il lui rappelle qu'il va faire un grand bien. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mais à la fin, il lui dit quoi? Il lui rappelle, tu vas faire beaucoup de bien. Mais à la fin, comme si le prophète lui disait, ne gâche pas tout ce que tu as fait. Ittaqi da'wat al-mazlum. Et on a dit que quoi? Al-dhulm, ça pouvait être une cause que quoi? Toutes tes actions soient annulées. Bien plus que cela, tu repartes avec des montagnes de péchés. Ya Mu'adh, اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Car il n'y a pas entre l'invocation de celui qui est touché par une oppression, l'invocation de celui que tu as opprimé, il n'y a pas de voile entre lui, son invocation et Allah Azza wa Jal. Elle est acceptée automatiquement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici c'est une recommandation à moi ainsi qu'à vous-même. Écartez-vous de la justice de façon générale. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.